2 millions. 2 millions, c'est le nombre d'emplois directs ou indirects du secteur du tourisme en France. Alors nous, au Crédit Agricole, on se mobilise et on propose pour vous, professionnels du tourisme, le prêt garanti par l'État saison basé sur vos 3 meilleurs mois de 2019. Parce que notre rôle, c'est de vous aider à continuer votre activité. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Conditions du prêt fixé par la réglementation en vigueur, sous réserve d'études et d'acceptation par votre caisse régionale prêteur. Donald Trump dans l'œil des philosophes. Cette semaine, à l'occasion d'une série spéciale organisée par France Culture à quelques jours des élections américaines. Alors après, les droits de l'homme à l'épreuve de la démocratie, hier, avec la philosophe belge Justine Lacroix, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui la philosophe américaine Susan Bryson, qui vient réfléchir sur l'emploi, par Donald Trump, des mots qui fâchent jusqu'au fascisme. Elle le pense et elle vous dira pourquoi, juste après avoir écouté le président américain vous raconter un poème. Et oui, un poème, une fois n'est pas coutume. Qui a déjà entendu parler du poème intitulé « Le serpent » ? Ok. Ça a été écrit par Al Wilson il y a longtemps, et je me suis dit que c'était lié à nos frontières et les gens qui entrent dans le pays. Et on sait ce qui va nous arriver. On va avoir des problèmes. On doit faire attention, on doit être intelligent, on doit être vigilant. Donc voilà le poème, le serpent. Un matin, alors qu'elle se rendait au travail sur le chemin qui longeait le lac, une femme au cœur tendre aperçut un pauvre serpent à moitié gelé. Sa jolie peau colorée était toute glacée par la rosée. « Le pauvre » cria-t-elle, « je t'emmène et je m'occupe de toi. » Mais au lieu de dire merci, le serpent, vicieux, la mordit. « Je t'ai sauvé !» s'écria cette femme. « Et tu m'as mordu ! Pourquoi ?»« Tu sais que ta morsure est venimeuse et maintenant je vais mourir !»« Oh, tais-toi, femme stupide !» dit le reptile avec un sourire. « Tu savais très bien que j'étais un serpent avant de me sauver !» On her way to work one morning down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by the fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Bonjour Susan Bryson. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie au Dartmouth College dans le New Hampshire, au nord de New York. Mais c'est depuis le Vermont où vous habitez que vous nous parlez ce matin, n'est-ce pas? That's correct. C'est vrai. Alors merci d'être avec nous et merci à Marguerite Capelle qui est à mes côtés en studio qui va assurer ce matin la traduction. Cette histoire que raconte Trump, ce poème du serpent, je crois qu'elle vous plaît particulièrement. De qui s'agit-il quand Trump parle du serpent? Les réfugiés, les immigrés, mais tout particulièrement les immigrés de couleur. Il récite ce poème dans les rassemblements, dans les meetings, depuis 2015, depuis le début 2015. Et après son élection, il a continué a cité ce poème à chaque rassemblement. C'est pas du tout Al Wilson qui l'a écrit. C'est Oscar Brown Jr. qui a écrit ce poème. Lui, il a sélectionné la version qui lui plaisait de cette chanson. Oscar Brown Jr. en fait était afro-américain. Et il se souciait beaucoup de justice raciale et du destin des immigrés du Mexique. Lui n'est plus en vie, mais sa fille est outrée, atterrée de voir Trump utiliser cette chanson pour saper le message même que son père essayait de faire passer. La manière dont Trump utilise ce poème, cette chanson, c'est typiquement un discours de haine génocidaire. C'est un discours qui incite les gens à la violence. Donc il ne se contente pas de déshumaniser les personnes dont il parle, ce qui est très clair dans ce contexte. Avant de réciter ce poème, il précise que des gens arrivent, sont en train de passer la frontière. On sait qu'on va avoir des problèmes. Ils sont en train d'arriver. Il a parlé de l'arrivée des immigrés mexicains en disant que c'était des gens mauvais, que c'était des violeurs. Donc il ne se contente pas de les déshumaniser. Ce discours de haine peut vilipender des communautés comme ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il les distingue comme des personnes dangereuses. Par exemple, les nazis décrivaient ainsi les juifs comme de la vermine, comme des cafards, une sorte d'infection qui allait gagner la population si on ne les exterminait pas, une infestation. Au Rwanda, on appelait les Tutsis des serpents ou des cafards. Donc ce n'est pas seulement une manière de dire qu'on n'aime pas ces gens, que ces gens nous sont inférieurs. C'est une façon de dire qu'il faut les tuer avant qu'eux nous tuent. C'est ça le message. C'est le message de cette chanson utilisée par Trump. Et l'entendre crier le dernier vers, vous saviez que j'étais un serpent, tu savais que j'étais un serpent avant de m'accueillir. C'est un cri de ralliement pour ceux de sa base qui sont les plus violents, les éléments les plus violents. C'est un appel aux armes. Alors justement, Susan Bryson, les mots que vous employez sont très forts. Vous parlez de fascisme, vous avez employé l'expression de discours de haine génocidaire qui, si je ne me trompe pas, a été forgé par l'intellectuelle américaine Lynn Tyrell, qui montre comment tout à fait juste. Le langage est le premier pas vers l'installation d'un régime fasciste qui peut éventuellement conduire au génocide. Est-ce que vous pensez que les mots sont comme des actes, que le vocabulaire que l'on emploie dans le cas de Trump peut être comparé à un acte génocidaire? Oui, je pense que tout à fait, ça peut. Nous en avons des exemples dans l'Allemagne nazie, au Rwanda, comme Lynn Tyrell l'a montré. Ce ne sont pas simplement des hypothèses, c'est quelque chose auquel on a assisté, qui s'est déjà produit. Et je pense que nous devons tous prendre conscience de l'effet du discours de haine, de l'impact. Quand Austin écrit en 1962 sur l'impact des mots, on fait des choses avec les mots, on ne se contente pas juste de réfléchir. Aux États-Unis, jusqu'à récemment, à l'exception de quelques théoriciens critiques de la race et quelques théoriciens féministes, les gens ont eu tendance à penser que la langue, c'était de la pensée, plutôt que liée à l'action, aux actes. Je ne sais pas si vous avez le même type de maxime en français, mais en anglais, il y en a une qui dit qu'en gros, les mots ne peuvent pas causer le même mal qu'un bâton ou des cailloux qu'on vous jette. Et même au titre du premier amendement, aux États-Unis, on a quand même des lois qui restreignent la liberté d'expression, parce que personne n'y croit vraiment. Il y a certains types de fausses publicités, par exemple, ou de mensonges qui sont interdits par la loi, ce qui signifie qu'on reconnaît bien que la parole peut nuire aux personnes. En fait, on l'enseigne à l'école. Quand on enseigne cette fameuse maxime, on apprend aussi la différence entre le stylo et l'épée, et le fait que le stylo peut aussi avoir autant de puissance que l'épée. Donc ça n'a pas de sens, en fait. On donne cette puissance de l'écrit, mais on ne reconnaît pas le pouvoir de nuisance du discours. On demande aujourd'hui à ce que l'éducation soit universelle, on exige que tout le monde ait accès à l'éducation parce que justement apprendre la parole, à maîtriser la langue a un impact. Si cet impact est positif, si ça entraîne des choses positives, il est tout à fait arbitraire de dire que les paroles ne peuvent pas également créer des choses négatives. Et c'est compliqué aux États-Unis d'avoir ce débat. Et précisément, puisque vous parlez des États-Unis, si on prend un instant pour faire une comparaison avec ce qui se passe en France en ce moment, la distinction entre les paroles et les actes, on en a pris conscience lorsque le professeur d'histoire Samuel Paty a été assassiné il y a quelques jours pour avoir montré durant un de ses cours sur la liberté d'expression, les caricatures du prophète Mahomet. D'un côté, certains disaient être blessés par ces caricatures. De l'autre, lui-même a été décapité pour avoir montré ces caricatures. Est-ce que ce n'est pas une manière de montrer que ce n'est pas toujours le même registre, sans minimiser la blessure des personnes qui se disent blessées par cette caricature-là? Ce sont deux registres différents. Dans le cas de Trump, c'est pareil. Le langage est extrêmement violent. Durant son mandat, il n'a pas décapité quiconque, encore. C'est vrai. C'est un exemple intéressant. Je pense que c'est important de savoir si le pouvoir de nuisance des mots dépend beaucoup du contexte. Dans le cas de Samuel Paty, d'après ce que je sais, il a présenté ses dessins dans un contexte éducatif. Il ne s'en servait pas pour susciter des sentiments anti-musulmans. Il éduquait ses élèves à la liberté d'expression et il leur montrait un exemple de formes d'expression qui pouvaient être questionnées, débattues, celle qu'avait choisie Charlie Hebdo. Et ça semblait tout à fait légitime d'utiliser ainsi les caricatures et un usage tout à fait nécessaire même. Ce que j'ai compris, c'est qu'ensuite il y a une vidéo qui a circulé par un parent d'élève qui l'accusait, cet enseignant, d'avoir incité ses élèves à des choses qu'en fait il n'essayait pas du tout de faire. Donc il y avait visiblement des éléments erronés dans cette vidéo qui a eu un effet important et qui a conduit ce jeune Tchétchène à assassiner et à décapiter ce professeur Samuel Paty. Donc les mêmes mots, les mêmes images peuvent avoir un effet très différent dans des contextes très différents. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, en Russie, il y avait une loi qui interdisait d'exposer, de montrer la swastika à la croix gammée. Je ne sais pas si elle est toujours en vigueur, on va dire. Ce qui s'est passé, c'est que les librairies ont retiré la bande dessinée Mouse de leur rayonnage, alors que c'est un livre qui dénonce l'Holocauste. Par Art Spiegelman. Art Spiegelman's Mouse. And so to say Donc dire que la croix gammée dans ce contexte-là, sur la couverture d'un livre dans une librairie à Moscou, est une incitation à la violence contre les Juifs, c'est complètement absurde. Mais dans le même temps, si c'est quelque chose qui est utilisé, par exemple lors d'un rassemblement néo-nazi, où les gens sont armés, bien sûr, ça pourrait tout à fait représenter une menace importante. Il y a une grande différence, puisqu'on parle quand même de l'utilisation par Trump du langage, il y a une grande différence entre la France et les États-Unis quant à la liberté d'expression. En France, l'incitation à la haine raciale est punie par la loi. Aux États-Unis, il y a le premier amendement de la Constitution américaine qui énonce ceci. Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice ou pour limiter la liberté d'expression de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au gouvernement des pétitions pour obtenir réparation des torts subis. Ce premier amendement, Susan Bryson, c'est celui qui va poser problème dans les débats aujourd'hui aux États-Unis parce que certains vont le sacraliser et ce faisant refuser qu'aucune limite soit assignée à quelconque prise de parole et expression publique ou privée, quand d'autres au contraire vont penser qu'il faut le limiter pour éviter que ce qui est dit justement ne puisse avoir pour conséquence des actes. Qu'en pensez-vous, Susan Bryson? D'abord, le premier amendement n'a pas toujours été interprété de cette façon absolutiste. Il y a 200 ans, il y avait des lois contre la sédition, contre la critique du gouvernement. Après la Première Guerre mondiale, la Cour suprême a déclaré que ces lois étaient incompatibles avec le Premier Amendement. Et donc, ça fait un siècle que nous avons cette protection très forte de la liberté d'expression. Mais pourtant, personne ne lit ce concept de façon littérale. Le Congrès passe toutes sortes de lois qui limitent la liberté d'expression, malgré ce que dit la Constitution. Par exemple, encore une fois, le parjure, la fausse publicité, il y a des tas d'exemples. Mais je pense qu'il existe un mythe aux États-Unis en raison de l'existence de ce premier amendement. Ça sert même presque de synecdoque qui résumerait ce qu'est la liberté. Les gens se targuent de voir toutes sortes de libertés qui leur sont garanties en raison de l'existence de cet amendement pour la liberté d'expression. En réalité, c'est un mythe. Il y a toutes sortes de libertés qui sont restreintes par le gouvernement. Et puis, ce qui est interdit, c'est que le gouvernement limite la liberté d'expression. Ça ne dit pas que personne ne peut faire taire qui que ce soit et que tout le monde a le droit de parler. Par exemple, aujourd'hui, à l'ère du numérique, Mark Zuckerberg ou Jack Dorsey peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas des représentants de l'État ou d'un gouvernement. En particulier avec l'avènement d'Internet, on ne sait plus très bien à qui s'applique le premier amendement, comment il doit être interprété. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la liberté d'expression depuis la fin des années 80, le début des années 90, c'est un autre exemple qui a trait au discours raciste aux États-Unis. C'est une affaire qui opposait un tribunal au Michigan à l'Université du Michigan déclarant discriminante et anticonstitutionnelle une politique de l'université. Ce qui est intéressant, c'est que le juge qui estimait que l'université allait à l'encontre du premier amendement écrivait que malheureusement, dans la Constitution, l'idée d'égalité de liberté était souvent en conflit. Et que le plus difficile était de trouver l'équilibre entre ces deux valeurs concurrentes. Il concluait en disant « Si la Cour comprend l'obligation de l'université d'assurer l'égalité d'éducation pour tous les étudiants, cela ne doit pas se faire au détriment de la liberté d'expression. » Et c'était une affaire parmi d'autres, mais pas la seule, dans laquelle il y avait ce conflit qu'on voyait de façon empirique entre deux droits, un droit à la liberté d'expression d'un côté et un droit à l'égalité de l'autre, qui est également garanti par la Constitution, le droit à la protection équitable. Le tribunal a donc déclaré que la liberté pouvait travestir la notion d'égalité et qu'elle primait dessus. À l'époque, en tout cas, dans le monde académique, on estimait que la liberté d'expression primait sur tout le reste. Donc ma grande question philosophique, c'est qu'est-ce qui rend les mots si spéciaux, la parole si spéciale, pour lui donner une telle protection, même quand on sait que ça viole les droits des gens. C'est une question tout à fait complexe. Est-ce que effectivement la parole peut nuire à l'égalité entre les gens ? Violate other people's equality rights. Mais on le constate dans toutes sortes de cas, de façon empirique. Par exemple, l'affaire opposant les libraires américains en 1985 à la justice par rapport à une question portant sur la pornographie. C'est encore une fois une question technique, la définition de la pornographie ici. Selon la manière dont on la définit, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'elle provoque des violences, des viols, des discriminations, des abus sexuels. Ce qui montre, d'après le jugement qui a été rendu, le pouvoir de la pornographie, le pouvoir de la parole, du discours pornographique, et donc il doit être protégé. Donc ce que j'avais envie de comprendre, c'est qu'est-ce qui rend la liberté d'expression si spéciale ? Et pourquoi il faut la protéger ainsi ? Par un amendement. En général, l'argument qu'on donne pour défendre la liberté d'expression, c'est celui de John Stuart Mill. Eh bien, je vous propose qu'on l'écoute, ce texte, Susan Bryson. On a un texte de John Stuart Mill qui énonce exactement ce que vous vous apprêtez à dire. Est-ce que vous êtes d'accord ? On écoute ce texte et puis vous le réfutez ensuite. Il est impératif de laisser les hommes libres de former leurs opinions et de les exprimer sans réserve. Si cette liberté n'est pas accordée, ou du moins revendiquée en dépit de l'interdiction, les conséquences en sont funestes pour l'intelligence et la nature morale de l'homme. Examinons à présent si ce ne sont pas les mêmes raisons qui exigent que les hommes soient libres d'agir selon leurs opinions. C'est-à-dire libres de les appliquer à leur vie sans que leurs semblables les en empêchent physiquement ou moralement, tant que leur liberté ne s'exerce qu'à leurs seuls risques et périls. Cette dernière condition est naturellement indispensable. Personne ne soutient que les actions doivent être aussi libres que les opinions. Au contraire, même les opinions perdent leur immunité lorsqu'on les exprime dans des circonstances telles que leur expression devient une instigation manifeste à quelque méfait. L'idée que ce sont les marchands de blé qui affament les pauvres, ou que la propriété privée est un vol, ne devrait pas être inquiétée tant qu'elle ne fait que circuler dans la presse. Mais elle peut encourir une juste punition si on l'exprime oralement, au milieu d'un rassemblement de furieux attroupés devant la porte d'un marchand de blé, ou si on la répand dans ce même rassemblement sous forme de placard. La liberté de l'individu doit être contenue dans cette limite. Il ne doit pas nuire à autrui. Il y a des gens qui rentrent sur le territoire, qui essaient de rentrer. On en arrête beaucoup, mais on sort des gens du territoire. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces gens sont mauvais. Ce ne sont pas des gens, ce sont des animaux. Et on les sort du pays à une vitesse et à un taux jamais égalé auparavant. Et à cause des lois qui sont faibles, ils entrent rapidement, on les attrape, on les relâche, on les attrape à nouveau, on les sort, c'est fou. Les lois les plus bêtes, je l'ai déjà dit, les lois les plus bêtes sur l'immigration du monde. Donc on va s'occuper d'eux, on va faire le job. Trump dans l'œil des philosophes, c'est cette semaine sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Aujourd'hui en compagnie de la philosophe Susan Bryson, qui est avec nous depuis le Vermont. On vient d'entendre un texte de John Stuart Mill et puis la voix de Donald Trump qui parle des immigrants comme des animaux. Il est vraiment dans une logique de déshumanisation, là, littérale, de ces personnes. Quand on entend Trump dire ça, juste après avoir entendu John Stuart Mill dans la voix de Bernard Gabay dire « La liberté de l'individu doit être contenue dans cette limite, il ne doit pas nuire à autrui », alors on se dit évidemment, là, Trump doit être limité dans sa liberté d'expression puisqu'il nuit à autrui quand il dit ça. Et pourtant, Mill lui-même, Susan Bryson, distingue d'un côté la liberté d'action et la liberté des opinions. Alors, qu'en faites-vous ? Oui, aux États-Unis, on a tendance à citer John Stuart Mill sur la question de la liberté. En parlant de ses arguments qu'il donne sur la liberté d'expression, il dit que le gouvernement et même la société en général ne peut pas restreindre la liberté d'expression sans nuire à notre quête de la vérité. Et que le seul espoir que nous avons de voir émerger la vérité, c'est que toutes les opinions puissent être exprimées publiquement et débattues. Et qu'on puisse, en quelque sorte, combattre, avoir un combat d'idées. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre dont il est question de la liberté, c'est que le chapitre premier pose les principes de John Stuart Mill. Et en particulier le fait sur la question de nuire à autrui. Pour lui, c'est la seule raison qui justifie le fait que le gouvernement interfère avec les libertés individuelles. C'est pour empêcher ces individus de nuire à d'autres individus. On ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent si ça ne nuira qu'à eux-mêmes ou s'il s'agit d'une désapprobation peut-être morale. Mais quand l'acte nuit à quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Donc, quand on constate que le discours peut nuire à autrui, peut causer du mal, et je pense que nous le voyons tous, que certains discours peuvent nuire, que faire de cette contradiction entre cet argument très puissant pour défendre la liberté d'expression qu'il expose dans son chapitre 2 et l'exposition de l'argument dans le chapitre 1 qui dit que le gouvernement a le droit de restreindre les libertés pour empêcher qu'on nuise à autrui. La citation que vous avez utilisée en particulier, c'est le début du chapitre 3 de la liberté. Et c'est le seul moment, en fait, où Mill décrit réellement ce conflit, ce débat, dans le livre. Il remarque que quand on dit, par exemple, que les marchands de maïs affament les pauvres, à une foule surexcitée, juste avant une assemblée, par exemple, des marchands de maïs, alors, un tel discours pourrait tout à fait faire l'objet de restrictions. La liberté de l'individu doit alors être limitée de sorte qu'il ne puisse pas nuire à d'autres personnes. Quant au discours de Trump qui incite à la violence, vous venez de nous donner un autre exemple. C'est bien plus un discours d'incitation à la haine, bien plus violent que cette histoire de marchand de maïs qui affame les pauvres. Et ses discours continuent à saper la démocratie, selon moi, à inciter à la violence. Lors du premier débat présidentiel le 29 septembre, Trump, on lui a demandé plusieurs fois de condamner les suprémacistes blancs. Il a refusé de le faire. Il a même demandé à ces suprémacistes blancs de se tenir en retrait, mais à disposition. Quelque part, il leur demande d'être prêts. Il a défendu des miliciens qui ont tué des manifestants dans le Wisconsin. Il a qualifié les manifestants de Black Lives Matter de voyous et de terroristes. Et il a dit beaucoup de choses au sujet de ces manifestants pour justifier le fait d'ouvrir le feu sur eux. Et le problème, c'est que ces discours atteignent des millions de gens. Donc il n'est pas besoin d'avoir une vision irréaliste de l'impact des nuisances, des dommages que peuvent causer les mots. Il suffit d'écouter Trump parler des immigrés et des réfugiés comme des serpents ou de la vermine pour comprendre que certains vont se mettre en tête d'aller tuer ces immigrés, même s'il ne s'agit que d'une ou deux personnes qui se mettent en tête qu'il faut faire quelque chose pour protéger le pays contre ces dangers mortels qu'il évoque. Et donc ça peut se produire. Un autre point qui est très intéressant au sujet de cette citation que vous avez lue de John Stuart Mill, c'est qu'il dit que l'opinion selon laquelle les marchands de maïs affament les pauvres ne doit pas, elle, faire l'objet de quelconque restriction si elle circule simplement, par exemple, dans la presse. On peut dire la même chose dans les médias, dans la presse. Pourquoi faut-il se demander ici? Quand quelqu'un lit une information, on a le temps d'y réfléchir, on a le temps de choisir de croire ou pas, d'évaluer cette opinion, d'aller voir peut-être des opinions contradictoires. Mais dans le contexte d'une foule surexcitée, rassemblée, notre capacité à raisonner, à réfléchir, est court-circuitée. Elle ne fonctionne pas de la même manière, et le discours appelle à une action physique immédiate qui peut être violente. Je pense que c'est tout à fait juste. Je l'ai dit plus tôt, il y a deux autres arguments en faveur de la liberté d'expression qu'on utilise ici aux États-Unis. Et que j'ai entendu aussi d'ailleurs dans d'autres pays. Le deuxième, c'est l'argument en faveur de la démocratie. Qu'on ne peut pas avoir une réelle démocratie si tout le monde ne peut pas s'exprimer, n'est pas autorisé à s'exprimer et que tous les points de vue sont entendus, débattus. Sinon, même nos lois sont illégitimes puisque tout le monde n'a pas eu l'occasion d'en débattre. Mais il y a aussi un problème dans cet argumentaire, puisque certains discours sapent la démocratie elle-même. On peut, par exemple, citer en exemple le discours actuel de Trump. On ne peut pas en appeler aux valeurs de la démocratie pour justifier qu'on ne restreigne pas un discours qui lui-même nuit à la démocratie. L'autre argument principal, c'est celui de l'autonomie, qui estime que restreindre la liberté d'expression, c'est restreindre l'autonomie des gens. Mais l'autonomie peut vouloir dire toutes sortes de choses différentes, selon les philosophes. Donc c'est un argument compliqué à débattre. Quel que soit le point de vue là-dessus, si le discours lui-même nuit à l'autonomie des gens, comme dans cet exemple, de Mill qui parle de cette foule surexcitée, ils ne sont pas en train de réfléchir de façon autonome à ce moment-là. Ils réagissent de façon impulsive au discours. Donc l'argument d'autonomie ne permet pas non plus de justifier qu'on ne restreigne pas ce type de discours. Si on peut restreindre certains discours qui ont un effet immédiat en termes d'agression physique, il faut reconnaître que l'expression, le discours, les mots peuvent causer le même type de dommage physique qu'une agression physique. Et c'est d'ailleurs mesurable, quantifiable dans la réaction du corps. Mais là, au moment où on donne l'exemple de ce discours, ceux qui l'écoutent ne sont pas autonomes. Le fascisme est le culte du chef, qui promet une réponse nationaliste face aux prétendues menaces de la gauche radicale, des minorités, des réfugiés et des émigrés. Il assure être le seul à pouvoir nous sauver. Pendant la Convention nationale républicaine, on a vu le culte de la personne. Les républicains ne se sont même pas donné la peine de proposer autre chose que ce que proposait Trump. Ils ont juste décidé de suivre Trump aveuglément. On a vu 4 années de chaos aux États-Unis. Et malgré ça, on nous dit que nous sommes dans un état de droit. Les gens disent que ce n'est pas du fascisme parce qu'ils n'attaquent pas la démocratie. Mais que sont les attaques contre les élections si ce ne sont pas des attaques contre la démocratie? Vous venez d'entendre la voix de Jason Stanley, qui est professeur de philosophie à l'université de Yale. Jason Stanley, lui aussi, identifie dans la rhétorique de Trump de nombreuses caractéristiques du fascisme. Avant de reprendre sur le fond, Susan Bryson, un mot sur le statut du philosophe aujourd'hui, de la philosophe que vous êtes aux États-Unis. Qu'est-ce que Trump a changé à votre pratique de l'enseignement de la philosophie aux États-Unis depuis 4 ans? Interesting question. C'est une question intéressante. I am certainly more... Je suis, en tout cas, davantage prête à critiquer ce que dit Trump quand j'enseigne un sujet qui peut être lié. Par exemple, si j'enseigne la liberté d'expression, je vais utiliser certains exemples dont on parle aujourd'hui. Certains vont penser qu'il s'agirait d'endoctrinement des étudiants, de faire passer une idéologie radicale, libérale. Mais je ne crois pas. Je pense que j'encourage les étudiants à avoir une pensée critique sur absolument tout. Il y a beaucoup d'exemples qui étaient cette affirmation de Jason Stanley, selon laquelle Trump a généré une sorte de culte d'un leader fasciste et donc sape la démocratie. Il y a seulement 2 jours, avant-hier soir, dans le Wisconsin, Trump a organisé un meeting, donc un méga événement susceptible de propager le Covid, mais malgré le drapeau américain qu'il affichait, il a parlé devant un énorme drapeau avec une ligne bleue qui est censée représenter la police. La ligne bleue, c'est celle de la police qui sont vêtues de bleu. Donc, la frontière qui se tient entre la société et le chaos, entre les citoyens et les criminels. Ces dernières années, en réalité, c'est un drapeau qui en est venu à incarner le mouvement anti-Black Lives Matter, qui a été porté par des suprémacistes blancs dans ce fameux rassemblement de Charlottesville et à d'autres événements des suprémacistes blancs. Il se présentait à ce moment-là, Trump, dans ce rallye, non comme le représentant des États-Unis, mais comme le champion d'une idéologie politique anti-Black Lives Matter, une idéologie bien particulière. Trump parle toujours de la loi, de l'ordre, il dit toujours qu'il est le candidat de l'ordre. Mais il approuve aussi la justice rendue par les comités de vigilance locaux, par les milices. Il a justifié le meurtre de manifestants pacifiques. He can't have it both ways. Donc il ne peut pas tenir cette contradiction. Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder si nous avons le temps. Un sujet qui me questionne en tant que professeur de philosophie, en tant que philosophe. C'est que Trump non seulement détourne l'état de droit, comme s'il était au-dessus des lois, mais il détourne aussi les lois de la logique. Il est en contradiction avec lui-même. Ou il prétend qu'il n'a jamais dit quelque chose, alors qu'on sait tous ce qu'il a dit, puisque ça a été diffusé et enregistré. Mon impression, c'est que vos auditeurs s'y connaissent beaucoup en philosophie, et donc ne m'en voudront pas d'aborder les lois classiques, les règles classiques de la philosophie et de la logique. Une des règles fondamentales, c'est de ne pas se contredire. Par exemple, il ne peut pas en ce moment à la fois pleuvoir et ne pas pleuvoir. Bien sûr, parfois il peut y avoir une petite bruine, mais ce n'est pas évident de dire s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Mais ce n'est pas la même chose qu'une situation dans laquelle il pleut ou il ne pleut pas, ici et maintenant. Si je pensais que Trump était en réalité suffisamment intelligent pour comprendre cette logique, je me dirais que c'est une stratégie très maligne de sa part pour convaincre. C'est ce qu'on appelle le principe de l'explosion. Je vais vous expliquer comment ça marche. Par exemple, si je vous dis « il pleut ici, en ce moment », si vous acceptez les deux idées contradictoires, qu'il pleut en ce moment et qu'il ne pleut pas en ce moment, alors dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les règles de la logique pour prouver absolument n'importe quoi. Un fondement classique de la logique, c'est l'idée donc que deux propositions contradictoires ne peuvent pas être vraies simultanément. Je vous donne un exemple rapide. Qui ne permet pas donc d'accepter cette contradiction. It's raining here now. Let Q be any other proposition. For fun, let Q be. Par exemple, nous avons la proposition P, donc il pleut actuellement, et n'importe quelle autre proposition en face. That P is true. It's raining here now. Par exemple, Trump, c'est Dieu. We know that if P is true, then P or Q is true. So we now le problème, c'est que si nous avons donné une équivalence entre les deux propositions, les deux peuvent être vrais. Now, let's also assume that P is not true, right? Because we're violating the law of non-contradiction. We're just saying. Mais en réalité, nous sommes en train de violer la règle qui interdit la contradiction. Right? If either P or Q, and if it's not the case that P, then Q has to be true. So I know that was quick, but we've just proven in these very few logical steps. C'est un résumé assez rapide, mais il suffit de quelques étapes logiques pour prouver que Trump c'est Dieu. As I said, I don't think Trump or his so-called base gives a fig about the laws of logic. Bon, comme je l'ai dit, je ne pense pas que Trump et sa soi-disant base électorale se soucient beaucoup des lois de la logique. Mais ça, c'est une bonne manière de montrer comment il annihile le concept même de logique. Et le truc, c'est que les personnes qui le suivent, ses partisans, se moquent totalement du fait qu'il se contredise en permanence et qu'il dit des mensonges. Et lui accuse les médias de fake news. Il dit que CNN ment à son sujet, que le New York Times ment à son sujet. Trump's base is supposed to be concerned about truth and falsehood. Et ses électeurs sont censés à ce moment-là se préoccuper de la vérité et des mensonges. Right? Mais en réalité, la vérité, il l'a balancée par la fenêtre. Oui, il détourne les lois de la logique. Il s'en moque totalement. Le problème, Susan Brisson, c'est que ce sont ces gens-là qui ont voté pour lui. C'est que même si Trump emprunte les habits, le langage du fasciste, il a été élu démocratiquement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur la société américaine elle-même qui a été capable de voter, d'élire cette personne-là au suffrage universel indirect? Yes. It's very discouraging. C'est très décourageant. Je crois que, comme beaucoup de mes compatriotes qui pensent comme moi, j'ai été choquée lors de l'élection de Trump en 2016. et j'aurais pas dû l'être. Parce que je vis dans ma bulle. En fait, je ne connais aucun partisan de Trump. Je n'en connais pas aujourd'hui. Il y en a peut-être, mais ils ne me l'ont pas dit. Nous vivons tous dans notre petit silo. Donc, c'est difficile d'avoir ce genre de débat qui puisse permettre une compréhension mutuelle. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter au sujet de Trump. Non seulement tout le monde sauf lui doit être cohérent et suivre les règles de la logique, mais il peut dire tout ce qu'il veut et ses partisans l'y encouragent. Il peut même faire tout ce qu'il veut. Il sera toujours applaudi. En janvier 2016, lors des primaires, pour la présidentielle, il a dit lui-même, je pourrais me tenir au milieu de la 5e avenue, tirer sur quelqu'un, et je ne perdrai pas d'électeurs. Il a dit ça lors d'un rassemblement dans l'Iowa. C'est tellement alarmant. C'est extrêmement inquiétant. Il n'a tué personne, allais-je dire. Mais je crois que sa réaction, la façon dont il a géré la COVID-19, les contradictions qu'il a eues à ce sujet, en disant d'abord que ça allait disparaître tout seul, que c'était une simple grippe, pour affirmer ensuite qu'il avait pris les choses très au sérieux depuis le début, en faisant porter la culpabilité à 100% sur les Chinois, ce qui fait d'ailleurs que les Sino-Américains sont également harcelés aux États-Unis, sans prendre la moindre responsabilité de cette gestion de la crise sanitaire, avec 200 000 morts américains de la COVID à l'heure actuelle, c'est bien pire. De tirer sur une personne sur la 5e avenue et de faire un mort. Est-ce que ça ne vous inquiète pas particulièrement quant à votre rôle en tant que philosophe? Et je vous repose la question à dessein, puisque vous l'avez dit, vous êtes dans votre bulle, nous sommes tous dans notre bulle. Tous les électeurs qui n'ont pas voté pour Trump n'imaginaient pas une seconde qu'il pouvait être élu. Est-ce que ça ne vous fait pas sentir impuissante? Ou est-ce qu'au contraire, d'ailleurs, ça a suscité en vous une espèce de réveil? Est-ce que vous militez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes engagé politiquement pour contre Donald Trump pour les prochaines élections? Comment faites-vous? J'ai été très active sur le plan politique. J'ai écrit des lettres, passé des coups de fil, notamment dans les swing states. Impossible que le Vermont bascule pour Trump, c'est un État très progressiste. Bernie Sanders, qui est un socialiste, est l'un de nos sénateurs. C'est un État très progressiste. Mais il y a des choses que je peux faire dans d'autres États. Des dons pour différentes campagnes, pas seulement la campagne présidentielle, et ni seulement d'ailleurs des représentants à la Chambre des représentants et au Sénat, mais même à l'intérieur, même des États, au niveau local. Mais je dois avouer que je suis extrêmement démoralisée. Il y a quelques années, j'écrivais des tribunes. Et je me disais que si je publiais une tribune dans un média très populaire, comme le Time Magazine ou le New York Times, je toucherais beaucoup de gens, très largement, soit dans la sphère politique, et que peut-être on avait une chance d'avoir un débat, y compris avec des gens avec, qui ne seraient pas d'accord avec ce que je disais. Dans mes pires moments, je commence à désespérer que cette conversation, que ce débat soit possible, qu'il soit possible dans les médias en tout cas. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais ravie que vous me proposiez de participer à cette émission de radio. Le fait que vous ayez une émission de radio qui parle de philosophie, dont j'ai entendu qu'elle était extrêmement populaire en France. D'avoir l'occasion de discuter avec vous, en fait, me redonne foi dans le pouvoir des mots pour faire une différence, pour le bien. Est-ce que ça veut dire qu'aux États-Unis, les philosophes ne sont jamais consultés? Je ne parle pas simplement de la part du gouvernement, mais même dans l'espace public. Et quelle voix avez-vous en tant que philosophe dans l'espace public? C'est particulièrement vrai avec Trump. Il s'oppose aux universités, tout le système universitaire. Oui, en général, oui. Nous sommes responsables de tout ce qui va mal dans le pays, selon lui. Mais en parallèle, la discipline, la profession de philosophe aux États-Unis est de mieux en mieux acceptée auprès d'un public plus large. En tout cas, c'est mieux accepté de faire de la philosophie publique. Jason Stanley fait beaucoup ce genre de choses. Kate Mann, Manon Garcia, qui est également intervenue dans votre émission. Et je crois qu'une des raisons, c'est que les philosophes prennent conscience qu'ils savent dire des choses qui sont pertinentes pour le pays et aussi pour se sauver eux-mêmes, pour que les départements de philosophie ne soient pas éliminés quand les universités feront face à des coupes budgétaires. Ils doivent expliquer pourquoi leur discipline est pertinente. La philosophie anglo-américaine, telle qu'on l'appelle, ne s'est pas beaucoup attelée aux préoccupations réelles de la vie des gens. Une partie d'entre elles a été considérée comme ne prêtant pas attention à la société, n'étant pas importante en réalité. Pourquoi s'en soucier ? Et puis les États-Unis n'ont jamais été comme la France dans leur relation avec les philosophes. Nous n'avons pas de célébrités philosophes, nous n'avons pas de penseurs intellectuels publics. Mais le tout premier philosophe que j'ai lu au lycée, la toute première, c'était Simone de Beauvoir. Je me suis fait cette représentation, je me suis mis cette idée en tête que la philosophie était une vocation dans laquelle on pouvait, avec laquelle on pouvait provoquer un changement politique et aussi écrire des romans, écrire des mémoires. On n'était pas obligé de ne publier que des journaux philosophiques obscurs que seule une poignée de gens liraient. But that's not generally how things have played out. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe aux États-Unis. Most people just either don't care. La plupart des gens soit ne se soucient pas de la philosophie universitaire, s'en moquent. Dans le cas des partisans de Trump, ils ont même carrément du mépris pour la philosophie. Merci beaucoup, Susan Bryson, d'être venue nous parler ce matin de votre travail de philosophe, de votre analyse de Donald Trump. Et on pensera à vous dans quelques jours quand les élections auront lieu. Merci. Thank you so much for this interview and for the wonderful work you're doing. Merci beaucoup pour l'interview et pour votre travail formidable avec cette émission. It's very heartening. Ça te fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous. Merci et merci à Marguerite Capel qui a assuré la traduction ce matin. We just wanna party. Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap.

que nous serons et on se posera une question. Le menteur a-t-il quelque chose à nous apprendre? Réponse demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette série ainsi que les séries précédentes. En téléchargeant l'application Radio France, par exemple, vous pouvez accéder au direct et au téléchargement. Comme ça, vous pouvez écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On attend vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h sur France Culture. La série spéciale autour des élections américaines continue toute la journée, donc surtout, restez à l'écoute sur France Culture.